et je sais que la belle persienne ne le hait pas. » Khacan voulut bien suivre ce conseil. Ainsi, avant qu'on ouvrît à Noureddin, lorsqu'il arriva à son heure ordinaire, il se mit derrière la porte. Et dès qu'on lui eut ouvert, il se jeta sur lui et le mit sous ses pieds. Noureddin tourna la tête et reconnut son père le poignard à la main, prêt à lui ôter la vie. La mère de Noureddin survint en ce moment et en retenant le vizir par le bras. « Qu'allez-vous faire, seigneur ? » s'écria-t-elle. « Laissez-moi, reprit le vizir, que je le tue, ce fils indigne. » « Ah, seigneur, reprit la mère, tuez-moi plutôt moi-même. Je ne permettrai jamais que vous ensanglantiez vos mains dans votre propre sang. » Noureddin profita de ce moment. « Mon père, s'écria-t-il les larmes aux yeux, j'implore votre clémence et votre miséricorde. Accordez-moi le pardon que je vous demande au nom de celui de qui vous l'attendez au jour que nous paraîtrons tous devant lui. » Khacan se laissa arracher le poignard de la main, et dès qu'il l'eut lâché, Noureddin se jeta à ses pieds et les lui baisa pour marquer combien il se repentait de l'avoir offensé. « Noureddin, lui dit-il, remerciez votre mère. Je vous pardonne à sa considération. Je veux bien même vous donner la belle persienne, mais à condition que vous me promettrez, par serment, de ne la pas garder comme esclave, mais comme votre femme, c'est-à-dire que vous ne la vendrez et même que vous ne la répudierez jamais. » Comme elle est sage et qu'elle a de l'esprit et de la conduite infiniment plus que vous, je suis persuadée qu'elle modérera ses emportements de jeunesse qui sont capables de vous perdre. » Noureddin n'eût osé espérer d'être traité avec une si grande indulgence. Il remercia son père avec toute la reconnaissance imaginable et lui fit de très bon cœur le serment qu'il souhaitait. Ils furent très contents l'un de l'autre, et la belle persienne et lui et le vizir fut très satisfait de leur bonne union. Le vizir Khacan n'attendit pas que le roi lui parlât de la commission qu'il lui avait donnée. Il avait grand soin de l'en entretenir souvent et de lui marquer les difficultés qu'il trouvait à s'en acquitter à la satisfaction de sa majesté. Il sut enfin le ménager avec tant d'adresse qu'insensiblement il n'y songea plus. Saoui, néanmoins, avait su quelque chose de ce qui s'était passé. Mais Khacan était si avant dans la faveur du roi qu'il n'osa hasarder d'en parler.